Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Nous sommes le mardi 10 août 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne les Remiremont, Pierre Mehdi, réalisateur et monteur truquiste. Donc bonjour Pierre. Bonjour Chris. Comment ça va? Très bien, merci, et toi? Bon, ça va bien, merci. Donc nos auditeurs et auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Pierre Mehdi, j'habite à Gérardmer, je suis intervenant cinéma auprès de public jeune et également un monteur et réalisateur. D'accord. Et donc, comme tu viens de le dire, tu es monteur, réalisateur et intervenant auprès du public jeune. Donc, quel a été ton parcours personnel pour en arriver où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as fait, par exemple, des études dans le domaine de la réalisation, et du cinéma ou pas du tout? Alors oui, effectivement. J'ai fait une école de cinéma en Belgique, à Louvain-la-Neuve, plus précisément, qui s'appelle l'Institut des Arts de Diffusion. Et après avoir été diplômé en section montage, j'ai travaillé une quinzaine d'années à Bruxelles, sur différents projets, toujours dans le montage et la post-production. Donc, que ce soit beaucoup de publicité, des longs-métrages, des courts-métrages, des documentaires, beaucoup de documentaires d'ailleurs, c'était très très intéressant. Et au bout de 16 ans, on s'est dit avec ma femme, on a envie de revenir au vert, et on est revenu à Gérardmer pour profiter un peu de la nature et de la famille. D'accord. Donc, à la base, du coup, t'es bruxellois ou t'es du coup vosgien? Ah non, je suis même jérômois. Jérômois, à la base? Ah oui. Donc, t'es revenu aux racines? Exactement, oui. D'accord. Et donc, les films, les courts-métrages, etc., pour lesquels tu travailles, est-ce que, avec ces films, tu as le souhait de travailler uniquement pour des films locaux, ou est-ce qu'il t'arrive de travailler pour des films qui se passent ailleurs, en France, par exemple? Alors, pour l'instant, je travaille pour des films qui sont partout en France, surtout des films d'entreprise. D'accord. Après, pour les films de fiction, les courts-métrages et tout ça, en France, je ne travaille pas énormément dessus, dans la mesure où ça fait que, voilà, un peu plus de 2 ans que je suis revenu. Et moi, je me concentre essentiellement sur tout le domaine éducation à l'image. Donc, c'est-à-dire le travail avec les jeunes, mm-hmm. avec des institutions comme les MJC, les écoles, les collèges. Et c'est aussi pour ça que je suis revenu dans le coin, c'était pour me concentrer là-dessus. Et après, il y a tous mes projets que j'essaye de mener à bien. D'accord, donc tu as toujours cette volonté de transmettre ton savoir aux plus jeunes. Oui, dès le début, quoi. Dès ma deuxième année d'école de cinéma, j'avais mis en place avec le DCVL des séjours cinéma, mm-hmm. donc des colonies de vacances sur le thème du cinéma. Et puis depuis, on n'a pas arrêté, on a continué à en faire. On a développé aussi ces séjours pour les écoles, pour les collèges aussi. Et puis après, on a aussi des ateliers qui durent moins longtemps, une journée, 2 journées. Mm-hmm. Et puis voilà, je crois que là, on a trouvé un bon format qui plaît. D'accord. Et donc, tu, en tant que réalisateur, est-ce que tu travailles plutôt, si on met de côté un petit peu l'éducation à l'image, est-ce que tu travailles plutôt sur des courts-métrages, des moyens-métrages, ou est-ce que tu as même déjà travaillé pour des longs-métrages? Ah ben, j'ai déjà travaillé pour des longs-métrages, oui, des longs-métrages, des courts-métrages, des clips, des publicités. Quand j'étais en Belgique, c'était un peu mon quotidien. D'accord. Est-ce que tu as une préférence sur la pub, les courts-métrages et les clips? Alors, pas vraiment la pub. D'accord. Les clips, c'est bien parce que, de un, c'est rapide, et ensuite, on a un univers complètement différent à chaque fois qu'on travaille sur un clip. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est les longs métrages, que ce soit fiction ou documentaire. C'est vraiment valorisant. Mmh. Et c'est extrêmement intéressant de travailler avec toute une équipe qui sont embarquées dans le même bateau que toi. Quoi. D'accord. Et donc, nous le disons tout à l'heure, tu fais de l'éducation par l'image. Mais donc, est-ce que tu fais ces ateliers pour des écoles, des collèges, des lycées, voire des universités, ou est-ce que c'est très, très ciblé? Non, alors je faisais pour tous ceux qui en ont besoin et qui le demandent. D'accord. Principalement pour l'instant les MJC, pour aussi les écoles, beaucoup les écoles. Je fais des classes découvertes cinéma ou alors des ateliers directement dans les établissements. Les classes découvertes, c'est toujours un peu, c'est transplanté dans d'autres lieux. Les collèges aussi, les lycées, ça n'a pas encore été fait effectivement, mais ça va. J'ai des pistes pour, donc ça va pas tarder. Puis université, non, pour l'instant, rien du tout. Hein. Sauf si l'université des Vosges décide, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Il n'y a pas une université cinéma du côté de Nancy ? Ah oui, ça c'est en Meurthe-et-Moselle, c'est l'IECA, oui. Effectivement. Voilà. Quoi. Bah, peut-être un jour, hein, on ne sait pas. Donc, il est important de noter du coup que tu as également travaillé pour le court-métrage que tu as réalisé qui s'appelle La Course, avec l'Ultra Trailer et le conférencier français Stéphane Brognard. Court-métrage tourné dans le massif des Vosges. Donc, comment s'est passée la prise de contact avec Stéphane Brognard ? Ah bah avec Stéphane, ça a été plutôt facile. D'accord. J'avais déjà comme ambition de tourner un court-métrage dans les Vosges sur le paysage vosgien, sur la nature. Et on m'a dit, ah bah, si tu cherches un coureur, va voir Stéphane. De toute façon, en tant que coureur vosgien connu internationalement, t'as que lui. Bien sûr. Donc je lui ai envoyé un mail, parce que je ne connaissais pas, évidemment. Et le lendemain matin, 8h30, il m'appelle. Oui, c'est Stéphane. Eh bah, écoutez, moi, ça m'intéresse. On peut se voir à tel endroit, tel jour, et on en discutera. Mm-hmm. Et à partir de là, voilà, c'était le premier à se lancer dans la course, on peut le dire. Ouais. Et voilà, quoi. Je crois qu'il s'est extrêmement bien débrouillé. Il a une rigueur de sportif qui fait que, voilà, le jour du tournage, quand on lui disait non, faut faire comme ça, comme ça, comme ça, et il le suivait, il le faisait, et puis il le faisait bien, en tout cas. Oui, parce que, comme tu l'as dit, Stéphane Brognard, c'est un coureur français internationalement connu, et qui ne fait pas que ça, comme on en parlait un petit peu en off avec l'IA tout à l'heure. Il fait, par exemple, il a prévu de faire le Sahara, que tu nous as dit. Oui, alors ça, c'est dans ses cartons. Après, mm-hmm. Je sais pas où il en est dans la préparation, ça faudra lui demander. Mais par contre, là, il est en train de préparer son record du monde de 24 heures de dénivelé positif. Donc, il va essayer de battre le record du monde de dénivelé positif en 24 heures. Je ne sais plus trop c'est quand la date, mais en tout cas, vendredi qui vient, mm-hmm. à 18h, il nous donne rendez-vous tous à la Moselaine, à Gérardmer, où il va continuer son entraînement et faire 6 heures d'affilée de dénivelé positif. Et donc, du coup, il y aura beaucoup de monde, il y aura des animations, il y aura de la musique, etc., etc. Donc, venez. Oui. Et surtout que, comme tu le dis, 6 heures de dénivelé positif, c'est quand même un sacré effort à faire. Bah ça, c'est clair. Quoi. Mais Stéphane, voilà, c'est son truc. Quoi. Toujours passer au-dessus de ses limites, sortir de sa zone de confort. Et puis, c'est seulement quand il est vraiment au-delà de ses limites qu'il se sent bien. Et oui. Et donc, justement, ce court-métrage que tu as fait avec lui, donc La Course, est-ce qu'il y avait aussi cette ambition de faire découvrir les paysages vosgiens ? Oui, ça faisait partie de l'envie de réaliser ce film. C'était vraiment montrer les paysages vosgiens, montrer la nature. Et honnêtement, voilà, comme je disais, j'ai passé énormément d'années en Belgique, à Bruxelles, en mmh. ville donc. Et ce retour ici dans les Vosges, en plein milieu de la nature, bien sûr, m'a vraiment donné envie de montrer moi la nature telle que je la vois, telle que je l'ai vécue et telle que j'ai envie de la vivre. D'accord. Donc il est 14h09, avant d'approfondir le sujet, je te propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que tu as choisie. C'est un morceau du producteur, disque jockey et compositeur de hip-hop américain RJD2, avec son morceau Ghostwriter. Pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, c'est ce titre, bien qu'il n'y ait pas de parole, est typé, on va dire, hip-hop rap. Il est sorti en 2002 et est tiré du premier album studio et seconde réalisation de RJD2, intitulé Dead Ringer, album sorti le mardi 23 juillet 2002. Donc on écoute ce morceau de RJD2 et on se retrouve juste après, donc sur Radio Gamozo, d'ici un peu plus de 5 minutes. Donc à tout de suite. Thank you. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h15. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/ partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Vous venez d'écouter RJD2 avec son titre Ghostwriter et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Pierre Mehdi, réalisateur et entre autres. Donc ça va toujours ? Toujours très bien, merci Chris. Parfait. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi ce titre de RJD2 en particulier ? Alors, j'adore RJD2. C'est vraiment un DJ qui m'a accompagné pendant toutes mes études de cinéma et même avant. Et du coup, je trouve que son univers, en tout cas sur cet album, est vraiment très... très parlant, très esthétique, très cinématographique. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre qui est, je pense, un des plus connus de cet album, qui pour moi me parle et puis pour moi à chaque fois que je le regarde, à chaque fois que j'écoute ce titre, je vois des images de films vraiment grandioses quoi. Donc voilà, c'est un DJ qui me plaît vraiment beaucoup. D'accord. Donc nous allons reprendre cette émission. Parlons encore un petit peu du court-métrage La Course, dans lequel tu as travaillé, enfin pour lequel surtout tu as travaillé. Nous en avons un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment est né ce projet ? Alors ce projet, il est né quand je suis revenu de Belgique, quand je suis venu me réinstaller dans les Vosges. Comme je disais tout à l'heure, j'avais envie de faire un court-métrage, de tourner un court-métrage dans la nature, qui montrait la nature. Et après, au fur et à mesure, le scénario s'est construit. Où, en fin de compte, je me suis dit ça serait bien de voir un coureur qui traverse tous les paysages qu'on peut trouver dans les Vosges. Alors, pas tous, évidemment, hein, mais bien une sûr. Bonne partie. Et donc, à partir de là, le scénario s'est monté. Il est venu quasiment de lui-même. Et il y a toute une partie un peu science-fiction qui s'est collée dessus et qui, en fin de compte, marche plutôt bien, je pense. D'accord. Et donc, il est aussi important de noter que dans ce court-métrage d'une durée d'un peu plus de 9 minutes, il n'y a aucune parole, aucune réplique. C'est juste Stéphane Brognard qui court à travers des paysages des Vosges. Et donc, que raconte ce projet ? Quelle est l'ambition derrière ce court-métrage ? Alors, outre le fait que je voulais montrer la nature, je voulais aussi montrer que le chemin, en fin de compte, est plus important que la destination. Et donc, pour cela, on a Stéphane qui court, qui est un coureur en fin de compte, qui est un coureur très compétitif, qui lui s'engage sur des courses que pour les gagner, que pour les finir. Et plus le court-métrage avance, plus les problèmes arrivent, moins son esprit de compétition est là, et plus il s'intéresse à ce qui se passe autour de lui, et donc à la nature, et donc... Il commence le film en tant que compétiteur et il le finit en tant que, on peut dire, randonneur. D'accord. Parce que en faisant mes recherches, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire quelques articles donc, que tu m'as envoyés notamment. Et dans ce court-métrage, on voit un moment donc Stéphane Brognard qui prend différents chemins. Et s'il se trompe de chemin, il revient au chemin précédent. Exactement. C'est à chaque fois qu'il arrive à un carrefour, voilà. Qui évidemment ne sont pas indiqués dans la course. et qui se trompe de direction. Il revient au même carrefour et là arrivent des choses. Voilà, je peux pas en dire plus. D'accord. Et donc ça n'a pas été trop difficile à tourner ce principe de s'il se trompe, il revient. Pas plus qu'un autre film. Il faut savoir que quand on tourne un film, de toute façon, on ne tourne jamais dans l'ordre chronologique. Donc, du coup, il faut un énorme travail de préparation avant. Et si ce travail est bien fait, normalement, pendant les jours de tournage, on se pose pas vraiment la question, on se pose plus la question, pardon, de savoir est-ce que c'est logique ou pas. Normalement, tout est préparé à l'avance. Là, c'était le cas. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on avait très peu de temps pour le tourner. Et du coup, on a un film qui... Enfin, moi, je l'aime bien. D'accord. Et donc, depuis que tu as commencé, depuis le début de ta carrière, est-ce que tu as à peu près une idée de nombre, de combien de films tu as réalisé ? De que j'ai réalisé ? Ah bah oui, il y en a un. Ah, ok. Et donc, sur lesquels tu as travaillé, du coup ? À travailler, non, il y en a plus. Ça, c'est... je pourrais pas le dire. Peut-être une vingtaine, trentaine peut-être, oui. D'accord. Après, à différents postes, hein, évidemment. Quoi. C'est toujours en post-production, généralement. Donc ça peut être monteur, ça peut être juste des tâches très techniques, ou alors rien que de la post-synchro, un peu, de la post-synchronisation, c'est-à-dire où j'ai prêté mon souffle sur un long métrage ou deux pour réenregistrer des personnages. Mm-hmm. Et puis voilà, quoi. Il faut savoir que dans le domaine-là, il faut être un peu polyvalent, parce que sinon, si on reste coincé dans un seul métier, on bosse pas forcément tous les jours, quoi. Oui. Et encore plus dans les Vosges en ce moment. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que sur les films sur lesquels tu as déjà eu la chance de travailler, est-ce qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont été présentés dans un ou plusieurs festivals ? Oui, il y a eu. Alors, ça fait. Sur lesquels j'ai travaillé qui ont été dans les festivals. Alors, il y avait il y a beaucoup de documentaires. D'accord. En l'occurrence, il y avait le documentaire Le thé ou l'électricité de Jérôme Lemaire. C'est un film, évidemment, belge. Produit par Yota Productions, l'année je ne sais plus, mais qui a gagné le Magritte du meilleur documentaire. C'est l'équivalent des César, mais belge. Ok. Et qui était vraiment très intéressant, une histoire de l'arrivée de l'électricité dans un petit village au Maroc. Et sinon, il y a eu quoi d'autre ? Il y a eu Dead Man Talking. Ça, c'était une fiction réalisée par Patrick Ridremont, toujours en Belgique, produit par Nexus Productions, qui était dans plusieurs festivals. Je pourrais pas dire lesquels parce que j'ai pas vraiment suivi après. Vous savez, on a. Avec le boulot et tout. Et quoi d'autre ? Il y a eu d'autres films. Il y avait aussi Elle ne pleure pas, elle chante, qui elle a été sélectionnée dans des festivals assez spécifiques aussi. Il y a eu d'autres documentaires qui ont été vraiment bien accueillis dans d'autres festivals. D'accord. Et du coup, ton court-métrage La Course, est-ce qu'il a déjà eu la chance d'être présenté dans un festival ? Présenté, non, pas pour l'instant, mais il est sélectionné à Buenos Aires. Au Festival du film de course de Buenos Aires. D'accord. Et là, j'attends encore d'autres réponses pour d'autres festivals. Eh bien, on te souhaite bonne chance pour ça, du coup. Et donc, vu que tu l'as dit également, tu travailles beaucoup sur des documentaires. Et donc, un réalisateur de documentaires qui me vient en tête, c'est Nicolas Vanier. Est-ce que tu as déjà eu la chance de travailler avec ou... Non. Mais moi, quand je travaillais beaucoup... Enfin, quand je travaillais sur les documentaires, les longs-métrages et tout ça, c'était quand j'étais en Belgique. D'accord. Donc, c'était beaucoup des réalisateurs belges. Mm-hmm. Et donc, du coup, voilà, les réalisateurs du coin. Pour l'instant, je ne les connais pas vraiment encore. Et j'espère que j'aurai l'occasion de les rencontrer. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Donc maintenant, on va passer à une autre de tes créations, on va dire ta web-série intitulée Jean-Mi. Donc, parle-nous-en un petit peu de cette web-série Jean-Mi. Alors, cette web-série s'est tournée pendant le Festival du film fantastique de Gérard Armé 2020, donc l'année dernière. C'était un peu un défi, car on avait comme ambition de faire un jour de festival, un épisode. D'accord. Et avec l'équipe, du coup, on n'a pas beaucoup dormi, ça c'est sûr, mais c'était un épisode tourné par jour, tourné, monté, diffusé. En une journée, oui. Donc ça veut dire qu'en 5 jours, on a sorti 5 épisodes. On a bien sûr écrit les scénarios avant, pour pas être complètement à la rue pendant le festival. Et on a on a réussi à faire quelque chose qui a, en tout cas, qui a plu au Jérômois, qui a plu au festivalier, et qui a été sélectionné à Montréal, au festival de la web-série de Montréal. D'accord. Donc c'était assez intéressant. On a travaillé, l'équipe était essentiellement aussi vosgienne, ou en tout cas originaire des Vosges. avec Pierre-Marie Paturel qui incarnait Jean-Mi. Pierre-Marie Paturel qui lui travaille, s'occupe du théâtre de Verdure à Vanier et qui a beaucoup beaucoup de boulot et beaucoup beaucoup de talent. En effet, et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'intrigue de la web-série sans trop en dire si jamais des gens ne l'ont pas encore vu? Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, ce qu'elle raconte, c'est Jean-Mi, qui est un Parisien qui travaillait dans la publicité, qui maintenant est, est un peu reporter, journaliste, et qui couvre les festivals. Il a été envoyé à Jarmé, au Festival du film fantastique de Jarmé. Et Jean-Mi n'avait pas du tout envie d'y aller, parce que lui, il voulait aller à Cannes, Berlin, Locarno, des grands festivals, mais il se retrouve à Jarmé. Et donc, avec toute la mauvaise foi qu'il peut avoir, il va couvrir ce festival. Et je pense que tous les spectateurs adorent détester Jean-Mi. D'accord. Car il est hautain, il est odieux, il est prétentieux, et partout où il passe, il se fait détester. D'accord. Et donc, pour avoir l'autorisation de filmer du coup au festival de Jarmé, est-ce que tu as eu besoin, ou est-ce que l'équipe de tournage a eu besoin de l'accord de la mairie de la ville? Alors, on a eu l'accord évidemment de la mairie, qui nous a autorisé à tourner partout dans Jarmé, tous les bâtiments qui appartiennent à la ville. On a aussi été comme partenaire le festival, qui nous a ouvert ses portes, qui nous a permis de filmer partout où le festival était installé, dont la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Donc ça, c'était bien. Et puis après ça, on s'est rendu compte que les commerçants, même les gens du coin, étaient tous de bonne volonté et avaient envie de faire avancer la série. Donc on était toujours accueillis à bras ouverts. D'ailleurs, j'en profite encore pour remercier les différents partenaires comme la Drosera qui nous a beaucoup aidés, l'autre DCVL de la Mazelaine aussi, il y en a eu d'autres. Et puis aussi le Lido, tous les partenaires qu'on peut voir dans la série. D'ailleurs, allez la voir, elle est encore sur YouTube, c'est visible. Tout simplement, si vous la trouvez, on met juste Jean-Mi. Jean-Mi Jarmé ou Jean-Mi Festival du film de Jarmé. Voilà. Et donc, dans ce Festival du film fantastique de Jarmé, justement, je crois savoir que même la présidente du jury, donc Asia Argento, en 2020, y jouait un petit rôle. Alors, si on veut. Elle y est présente, effectivement. Elle était présente parce qu'on a tourné pendant le photocall. Mm-hmm. Donc, du coup, on la voit avec tous les membres du jury. Et on la voit aussi à la cérémonie d'ouverture et à la cérémonie de clôture. Donc oui, on a tourné avec Asia Argento. Quand même, c'est un petit honneur quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Mais bon, elle ne le savait pas, elle, qu'elle tournait avec nous, par exemple. D'accord. Et donc justement, tu l'as dit il y a quelques minutes, toutes les personnes ayant travaillé sur cette web-série, dont toi, du coup, en tant que réalisateur, et l'acteur principal, Pierre-Marie Paturel, dans le rôle de Jean-Mi, détestable et détesté. Si jamais il nous écoute, on ne sait pas, on lui passe un petit bonjour. Et donc, vous dites, et donc tu le dis, et puis dans le reportage qu'il y avait sur le JT de France 3, justement, que vous êtes une bande de potes. Ah bah, ça, c'est clair, quoi. Tous ceux qui font partie de l'équipe, on se connaît depuis au moins le collège. Et on a tous pris des directions différentes. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on s'est tous retrouvés dans le même domaine, l'audiovisuel, de près ou de loin. Alors que ce soit Antoine qui a fait l'image, lui, il a fait ses études à Paris et il travaille en tant que cadreur à Paris. Maxime, Maxime, c'est marrant parce que on a fait la même école en même temps. Et lui, il l'avait fait en son et moi en montage. D'accord. Et du coup, il est venu sur le projet avec grand plaisir, d'ailleurs. Bon, c'était un grand plaisir de travailler avec lui, de retravailler avec lui. Il y avait qui d'autre? Il y avait aussi mon frère qui est venu donner un coup de main sur la fin. Pareil, qui est chef opérateur et qui est devenu donner un coup de main en régie sur les derniers épisodes. Et il y avait aussi... je crois que c'est tout, on n'était pas une grosse équipe. Et puis il y avait Jenna qui était notre stagiaire préférée. D'accord. Et donc, comment t'es venue cette envie et cette idée de créer cette web-série, du coup, Jean-Mi, au sein du festival de Jarmé? Alors, l'idée nous est venue au mois d'août, juste avant le festival. D'accord. Donc 6 mois avant. Et on s'était dit, on aimerait bien faire quelque chose tous ensemble pendant le festival. Mais quoi ? Et puis, là, j'avais cette idée de personnage depuis quelques temps qui me trottait en tête. Et puis, je leur en ai parlé. Je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien faire l'histoire de quelqu'un d'hautain, de détestable, que tout le monde aime détester. Voilà. Et en creusant un petit peu, on est sorti Jean-Mi, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et tout le monde était partant, tout le monde a trouvé que l'idée était intéressante. Et puis tout le monde avait envie de se retrouver surtout. On avait tous envie de travailler ensemble et puis de bien se marrer. Mmh. Ce qui s'est passé, on a bien rigolé pendant une semaine, on a donné tout ce qu'on pouvait. Et puis voilà, quoi. Je pense qu'on était tous très, très contents d'avoir pu travailler sur cette série. D'accord. Et donc, cette année, c'est un petit peu compliqué avec tout ce qu'on connaît, mais est-ce qu'on aura la chance, ou la malchance d'ailleurs, de revoir Jean-Mi pour une saison 2 ? Alors, oui, mais je n'en dirai pas plus. Ok, très bien. Donc, il va être 14h30 avant de poursuivre encore un petit peu, et nous en avons d'ailleurs un petit peu parlé tout à l'heure, mais tu proposes également du coup de l'éducation à l'image. Mais avant d'en parler plus en détail, je te propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale, dans une deuxième pause musicale que tu as choisie une nouvelle fois. Et nous allons écouter Serge Tankian, j'espère que je le prononce bien, chanteur du groupe System of a Down, groupe que j'aime beaucoup à titre personnel, avec son titre solo, cette fois Lie, Lie, Lie. Et une nouvelle fois, au niveau des quelques références, cette chanson est sortie en 2007. Elle est typée rock, metal progressif et est tirée de l'album Elect the Dead de Serge Tankian. Il s'agit de son premier album solo, album sorti le lundi 22 octobre 2007. Donc on écoute Serge Tankian avec son titre Lie, Lie, Lie et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. êtes de retour sur Radio Gameozo, vous êtes toujours en direct, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et même sur notre nouveau site internet https://radiogameozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers. Il est 14h34, vous venez d'écouter Serge Tankian avec son morceau de rock metal progressif intitulé Lie, Lie, Lie et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Pierre Mehdi, réalisateur qui est là pour nous parler de tout ce qu'il fait. Donc, est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie, Pierre ? Excellent. Parfait. Donc, même question que pour la première pause musicale, pourquoi avoir choisi cette chanson de Serge Tankian ? Alors, tout comme toi, je suis fan de System of a Down. Mm-hmm. Et donc, quand ils ont annoncé leur pause, pseudo-séparation, voilà, je me suis intéressé à ce que faisait Serge Tankian en solo. Et j'avoue que cet album, Alex the Dead, est un album que j'apprécie énormément. Et ce titre encore plus que le reste, quoi. Donc c'est pour ça que tout naturellement je te l'ai proposé pour le diffuser aujourd'hui. Et ça fait du bien, ça bouge bien, ça crie bien, mais bon, c'est ce qu'on aime avec System of a Down. Exactement, voilà. Exactement. Donc nous allons reprendre cette émission. Comme annoncé du coup avant cette pause musicale et comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, tu proposes également de l'éducation à l'image. Donc cette éducation à l'image, pour qui la proposes-tu ? Alors c'est avant tout pour les jeunes. D'accord. Pour les élèves, les étudiants. Après l'éducation à l'image, on peut en faire tout le long de sa vie. Quoi. Moi personnellement, tous les jours j'en apprends. Mm-hmm. Mais moi, c'est des ateliers que je propose essentiellement aux jeunes, que ça aille de... Alors les plus jeunes, c'est de... J'ai fait 5 ans jusqu'à 18, 19, 20 ans. Voilà quoi. Bon, pas... tous les âges mélangés dans le même groupe, évidemment. Quoi. Il faut s'adapter, faire des groupes d'âge un peu homogènes. Encore que, souvent, on a fait des ateliers avec voilà, une dizaine de jeunes, où on avait des ados, des pré-ados, qui allaient de 12 à 14 ans, et on mettait des plus jeunes de 7-8 ans avec. Et ça se passait super bien. Quoi. Et souvent, les plus jeunes étaient les plus moteurs du groupe. Quoi. Donc, voilà, quand je dis homogène, c'est... Tout est relatif. Bien sûr. Et donc cette éducation à l'image, elle est là non seulement pour les personnes intéressées, bien sûr, les jeunes intéressés, mais elle sert aussi à sensibiliser d'autres personnes avec, par exemple, l'utilisation de différents réseaux sociaux. Oui, alors exactement. Dernièrement, avec l'MJC de Meurthe-et-Moselle, nous avons fait des ateliers sur le thème des réseaux sociaux. Et le but de ces ateliers, on en a fait 4 en tout, c'était de pouvoir expliquer aux parents tel ou tel réseau social. Par exemple, on a fait 4 ateliers. Il y en a un, c'était sur TikTok, un sur Snapchat, un sur YouTube, et le dernier, c'était sur Instagram. Et dans chaque petit film qu'on a réalisé avec les jeunes, eh bien, ces jeunes expliquaient avec leurs mots, leur façon d'expliquer ce qu'était ce réseau social, à quoi il servait, comment eux ils l'utilisaient, et évidemment qu'ils avaient conscience qu'il fallait pas faire n'importe quoi sur ces réseaux sociaux. Quoi. Donc c'était assez chouette de travailler sur un projet comme ça. Ce qui est bien, c'est que chaque groupe avait un peu une vision différente de la façon dont il fallait présenter la chose. Et donc, voilà, moi je me suis beaucoup amusé avec eux, et je pense qu'ils se sont bien amusés aussi. Ils ont en plus appris beaucoup de choses sur comment on fait un film, comment on le réalise, pourquoi, comment, etc. etc. Donc, voilà, à refaire, vraiment. Quoi. Et on a eu d'autres... voilà, j'ai eu d'autres ateliers sur... Alors ça, c'était pour la médiathèque des Vosges, où le thème était les contes du Moyen-Âge. Et donc, du coup, pareil, dans 4 bibliothèques différentes. Alors, il y a eu Vittel, Remiremont, Chaumouset et... que je ne dise pas de bêtises, il y en a eu encore une, le Thio. On a fait pendant un après-midi, on a tourné un film, un épisode d'une série adaptée des romans de Renard, mm-hmm. Où j'avais adapté le scénario avant pour chaque atelier, et les jeunes étaient intégrés dans ce roman, intégrés dans les images de la BD, enfin intégrés plutôt dans des images d'archives, justement, en relation avec les archives départementales, et dans lesquelles ils évoluaient, ils jouaient le rôle de renard, disant grain, etc., etc. Et donc, pareil, ils se sont bien amusés, moi aussi, on a appris énormément de choses, et je crois que ben, voilà, ça serait à refaire, je le referais sans problème. Donc justement, dans cette adaptation des romans de Renard, il y a quand même un petit scénario. Donc du coup, voilà. Mais pour avec les jeunes, pour l'utilisation des réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment de scénario. Il y en avait quand même un scénario ou pas. Alors il y a deux groupes qui avaient déjà préparé qui avaient déjà écrit une trame. Donc on savait où on allait. Et donc, évidemment, c'était beaucoup plus simple. J'arrivais sur place, on avait deux jours pour tourner. Donc, déjà, l'histoire du scénario était réglée. Ils savaient déjà où ils voulaient aller, ils avaient déjà préparé pas mal de choses. Donc, on a fait des choses vraiment très bien. Mais après, voilà, il y a des groupes. Par exemple, je pense au collège de Jarny. Je suis allé là-bas les deux derniers jours d'école. Alors, autant dire que ils étaient pressés d'être en vacances. Bien sûr. Mais il y avait rien d'écrit. Donc, du coup, on a dû chercher, ils ont dû s'informer. YouTube, on connaît tous YouTube tel qu'on le voit sur Internet. Bien sûr. Mais voyez, il y a l'autre partie de YouTube pour les créateurs de vidéos. Mm-hmm. Et ensuite, il y a les personnes qui monétisent ces vidéos. Il y a tous les métiers qui vont autour. Enfin bref, voilà. Il y a tout ça qu'il fallait un peu débroussailler. Et les jeunes l'ont fait vraiment bien, vraiment consciencieusement d'ailleurs. Je pensais que ça serait plus difficile que ça, mais non. Et ensuite, à partir de là, on a fait un petit scénario avec un des élèves qui jouait l'influenceuse, qui présentait son émission, et monté en parallèle avec les jeunes qui expliquaient ce que c'était, pourquoi, qui expliquaient section de YouTube, à quoi ça servait, et ensuite qui disaient pourquoi eux ils l'utilisaient, comment. Et puis voilà, bon, je crois que ça s'est bien terminé d'ailleurs. Le film est en ligne aussi. Et on peut voir ce que ça donne sur mon site séjourcinéma.com. D'accord. Et donc, est-ce que tu dirais que tu utilises cette éducation à l'image et tes compétences personnelles pour, en quelque sorte, passer certains messages ? Ah bah oui, complètement. Ah oui, bien sûr. Moi, je me suis lancé dans l'éducation à l'image. Comme je l'ai dit, c'était en deuxième année d'école de cinéma, c'était en 2005. J'étais animateur en centre de vacances depuis plus longtemps que ça. Et du coup, en faisant mes études de cinéma, je me suis dit, ça serait quand même bien de pouvoir proposer des séjours aux jeunes sur le thème du cinéma. Et ça a commencé comme ça, quoi. Et à côté de ça, bien sûr, quand je fais de l'éducation à l'image auprès des jeunes, des écoles, des MJC et tout, il y a toujours des messages que j'essaye de faire passer. Moi, ce que j'essaye de leur faire comprendre aux jeunes, de leur apprendre, c'est comprendre comment c'est fait pour comprendre ce qu'on voit. On arrive devant la télé, on est bombardé d'images. Sur nos téléphones, on est bombardé d'images. Partout, où qu'on aille, sur Internet, on est bombardé d'images. Maintenant, le fait d'avoir un esprit un peu critique par rapport aux images, savoir un peu comment c'est fait, ça nous permet de ne pas toujours, parce que ça arrive, pas toujours tomber dans les pièges des publicitaires qui arrivent à subrepticement glisser des messages en vous disant « Allez, achète mon produit, il est meilleur que les autres. » Alors que, voilà. Le but aussi, c'est de pouvoir pouvoir donner aux jeunes la faculté de faire la différence entre une fiction, un documentaire et une publicité. Et un reportage, évidemment. Mais au moins qu'ils arrivent à différencier la publicité du reste. Et je crois que, voilà, si ils arrivent à faire ça à la fin d'un séjour sur lequel j'interviens, je crois que la mission est remplie, quoi. D'accord. Et donc, ces ateliers, est-ce que tu les proposes pour un nombre d'élèves restreint ou est-ce qu'il t'arrive de les proposer donc, du coup, pour des petits groupes d'une dizaine ou d'une quinzaine d'élèves ou est-ce qu'il t'arrive justement de proposer des ateliers pour une trentaine d'élèves, voire plus ? Alors, 30 élèves d'un coup, c'est vraiment difficile. Ce qu'on fait, par exemple, quand on fait des classes découvertes cinéma, on travaille en amont avec l'instituteur sur le scénario. Donc, je veux dire, l'instituteur travaille avec les élèves pour écrire un scénario, souvent inspiré d'une nouvelle ou d'un livre qu'ils ont lu dans l'année. Et à partir de là, ils écrivent le scénario, ils me l'envoient, je leur réponds, on fait des visios, etc., etc. Ils avancent dessus. Et ça, c'est bien. Au moins, c'est pas du temps qu'on va prendre pendant le séjour, pendant la semaine découverte, pour écrire le scénario. Tout sera déjà écrit quand ils arriveront. Et en plus, ça leur permet aussi de préparer leur déguisement, de préparer leurs accessoires, de répéter un petit peu aussi. Et donc voilà, c'est du temps gagné. En plus, ça leur permet de travailler à plus long terme, en amont de la semaine découverte cinéma. Et quand on est pendant la semaine de découverte, là, on tourne le film. Alors évidemment, si on a une classe de 25, soit ils peuvent venir pour observer, mais tout le monde ne sera pas ne pratiquera pas pendant par exemple la demi-journée, on va tourner telle ou telle séquence, quoi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sait pas, on dit ceux qui viennent, qui doivent tourner, vous venez avec moi. Je prends aussi 5 ou 6 autres personnes qui vont m'aider parce que évidemment faire un atelier cinéma, ce n'est pas que être devant la caméra, c'est aussi être derrière la caméra. Donc il y en a qui seront cadreurs, il y en a un qui fera l'ingénieur du son, peut-être même deux parce qu'il faut tenir la perche aussi. Il y en a qui feront le ou la script. Alors ça, ben je leur explique que c'est ce que c'est évidemment. Et on arrive à faire aussi, avant de commencer, un tour d'une partie des métiers du cinéma qui sont importants pour tourner un film. Et donc à partir de là, ils se répartissent les rôles. Alors évidemment, c'est toujours un peu la bagarre pour être celui qui va utiliser le clap, mais bon, voilà. mais voilà, et généralement ça se passe très bien, et le but aussi c'est que tout le monde passe devant et derrière la caméra, que il puisse avoir une expérience en tant que comédien devant la caméra. Bon, ça généralement ça pose pas de problème, ils ont tous envie d'être devant la caméra, mais et derrière la caméra, qui voit comment c'est derrière, quoi. Que c'est pas toujours très simple. Et ce qui en ressort, généralement, c'est que les jeunes sont toujours étonnés du temps que ça prend pour faire un film, en fin de compte, quoi. Nous, on est là une semaine, on tourne le film pendant une semaine, et en fin de compte, à la fin, ils se retrouvent avec un film qui fait 8, 10 minutes. Et donc, voilà, ils sont super étonnés, mais c'est bien. C'est bien, au moins, ils arrivent, ils comprennent que faire un film, bah, ça se fait pas du jour au lendemain, que c'est du travail, que ça se réfléchit. Et que, et puis que le jour du tournage, ben, faut être prêt. Bien sûr. Donc il est 14h45. Avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer dans une troisième fréquence musicale que tu as choisie une nouvelle fois et que nous écoutions cette fois une musique de film et pas n'importe quel film. En effet, nous allons écouter la musique du célèbre film Ocean's 11, film dans lequel nous retrouvons les célèbres acteurs George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon ou encore Julia Roberts. Une nouvelle fois, au niveau des références, ce film est sorti le vendredi 7 décembre 2001. Ce fut un succès fulgurant d'ailleurs, le succès du film. Et la musique que nous allons écouter s'intitule « Clair de lune ». Elle a été enregistrée à la base en 1905. C'est de la musique classique car elle est réalisée par Claude Debussy. Et cependant, nous allons écouter ici la version piano interprétée en live par Philippe Cassard, pianiste né en 1962. Donc on écoute Clair de lune de Claude Debussy, mais version Philippe Cassard. Et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. Thank you. Debussy interprété par Philippe Cassard avec la musique Claire de Lune. C'est la musique du film Ocean's Eleven sur Radio Gemozo. Alors je tenais à me rectifier, en effet, Debussy 1905, ce n'est pas de la musique classique, mais c'est de la musique moderne. Je remercie mon invité de m'avoir corrigé, car c'était une petite erreur de ma part. Voilà, ça arrive. Donc vous êtes des retours et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio, et même sur notre nouveau site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout en France, et peut-être même dans les pays frontaliers du style Suisse et Belgique. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Pierre Mehdi, réalisateur et monteur truquiste, qui est là pour nous parler de tout ce qu'il fait. Tout est toujours bon pour toi? Super, merci. Parfait. Donc une nouvelle fois, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, tu es habitué désormais. Pourquoi avoir choisi cette musique en particulier? Alors, parce que j'adore Debussy, et j'adore Ocean Eleven, et je me suis dit c'est dommage de venir en radio pour parler de mon métier qui est dans l'audiovisuel et de ne pas avoir choisi une musique de film. Donc du coup je me suis dit Debussy était la personne qui était vraiment fait pour, et du coup Ocean Eleven, tout le monde connaît, j'imagine. Bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi. D'accord. Et donc, nous l'avons un petit peu dit tout à l'heure, donc tu es réalisateur, mais tu es aussi monteur truquiste. Donc, qu'est-ce que tu fais en tant que le monteur? On sait ce qu'il fait, le monteur, il assemble les images, tout ça, mais en tant que truquiste? Alors, monteur truquiste, je l'étais beaucoup à Bruxelles, où je travaillais essentiellement en post-production, c'est-à-dire tout ce qui se passe après le tournage. Mm-hmm. Donc évidemment en montage, mais aussi en trucage, à faire quelques effets spéciaux. Alors attention, ce n'est pas les effets spéciaux qu'on voit dans les Marvel et tout ça. Non, quand même pas, j'en suis loin. Non, c'est vraiment effacer des pylônes électriques dans des plans, nettoyer l'image si jamais il y a une goutte sur un objectif. Bon, ça paraît simple comme ça, mais c'est extrêmement long. Ou alors même faire des... par exemple, juste faire des génériques, ça aussi, ça nécessite du temps. Mm-hmm. C'est pas forcément compliqué, mais il faut être assez rigoureux et puis pas avoir peur de retourner beaucoup de fois sur le générique. D'accord. Et donc maintenant que tu es revenu en France, du coup, tu es déjà armé, tu ne fais plus trop de trucage, du coup? Alors, le trucage en lui-même, non, pas trop. Enfin, avec dans le domaine d'éducation à l'image, avec les films pour les jeunes, si, évidemment, j'en fais, mais c'est pas au même niveau que ce que je faisais quand j'étais à Bruxelles. Non, ce que je fais beaucoup encore, c'est comme je disais, de faire des génériques. Bon, mm-hmm. ça, j'en fais, mais je fais du motion graphisme, c'est-à-dire de l'image animée en fin de compte. Pour faire des présentations, faire une belle introduction à un film, des choses comme ça. Ça, j'en fais encore pas mal. D'accord. Que ce soit pour les films pour les jeunes ou pour d'autres films à côté. D'accord. Donc justement, j'allais te demander si t'étais déjà arrivé de travailler en tant que monteur truquiste pour créer des explosions, tout ça, non? Alors, créer les explosions en elles-mêmes, non, ça on fait pas. Soit il faut les filmer, les explosions, et ensuite les intégrer. Soit on les crée en 3D, et puis la 3D, c'est pas du tout mon domaine, quoi. Donc, mais les intégrer, oui, ça fait partie d'un domaine assez, je vais pas dire simple, mais c'est pas le plus compliqué de prendre une explosion et de l'intégrer dans une image. Encore faut-il qu'elle soit bien filmée. Ça, c'est... Donc peut-être tu as déjà fait des incrustations fond vert également ou... Oui, bah oui, on fait des ateliers justement avec les jeunes. J'ai des ateliers que je propose qui sont des ateliers fond vert justement, mm-hmm. et où on passe. Les jeunes vont voir un film à la, par exemple, au cinéma de la MCL. On a fait ça avec le film Calamity. Ils sont allés voir le film et ensuite ils sont venus en atelier avec moi pendant 3 heures. On a fait un atelier d'incrustation fond vert où j'avais écrit un petit scénario, où le but était de retrouver Jambon, le cheval de Calamity qui avait disparu. Et donc pendant, c'était pendant 2 heures, je dis 3 heures, mais c'est 2 heures, les jeunes se sont baladés dans les paysages du film que j'avais récupéré, dans lesquels je les ai incrustés. Alors en vérité, ils étaient filmés sur un fond vert. Mmh. Ensuite, j'ai enlevé le fond vert, je les ai incrustés dans les images. Et ils suivaient le petit scénario qui était écrit, et leur but était de trouver Jambon, qui à la fin n'était pas très loin de là où ils étaient au début. D'accord. Donc oui, des ateliers fond vert, j'en fais régulièrement, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Il y en aura un autre qui sera mis en place à Gérardmer, à la médiathèque de Gérardmer, au mois de novembre. Et sinon, il y a un atelier. Ah bah il y a un atelier la semaine prochaine. C'est pas forcément fond vert, mais ça reste un atelier sur la création d'une série. J'aurais pu en parler tout à l'heure. D'ailleurs, je suis un peu en retard sur la création d'une série à la MCL de Gérardmer. Mais tous les après-midi de la semaine, c'est un atelier qui s'appelle La Loi des séries. On va créer notre série et essayer de sortir 3 épisodes durant la semaine d'une série qu'on va écrire tous ensemble. Laquelle je ne sais pas encore. D'accord. Mais donc justement, peut-être que certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs se posent la question, pourquoi au cinéma c'est des fonds verts ou des fonds bleus et pas un fond rouge ou fond jaune ou... Alors c'est, au début on faisait les fonds bleus, puis on s'est rendu compte que le fond vert était plus pratique dans la mesure où le vert est la couleur qu'on retrouve le moins dans la peau. Donc du coup, quand on efface le vert de l'image, on efface tout le vert. C'est-à-dire que tout le vert qu'il y a dans la peau, on l'efface aussi. Mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça ne change pas grand-chose. Alors que si on était sur un fond rouge, là, on efface tout le rouge de l'image, ben on efface le rouge de la peau aussi. Et du coup, les personnages ont l'air un petit peu blafards, un petit peu malades. Donc, on laisse tomber le fond rouge. Ça, non. Et le fond bleu, alors, ça a été utilisé... C'est utilisé de temps en temps, par exemple, quand les personnages sont habillés en vert. Évidemment, on utilise un fond bleu et non pas un fond vert, parce que sinon, vous pensez bien qu'on effacerait tout le personnage. Et oui. Et donc, ma collègue Léa, que tu as vue tout à l'heure, avant l'émission, m'a transmis deux questions à te poser. D'ailleurs, Léa, qui est en live ce matin, si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs ont regardé, donc elle m'a transmis deux questions. Qu'est-ce que ça fait de passer de l'image au son ? Ah bah c'est un peu bizarre. Hein. C'est bizarre parce que c'est bizarre du coup, on ne se concentre que sur sa voix et c'est là qu'on se dit oh là là, faut pas dire de bêtises. Même si à l'image, voilà, on peut en dire des bêtises. Il y en a évidemment, j'en dis, ça c'est pas un problème. Mais je trouve que c'est plus compliqué parce que du coup pour faire passer un message, on est obligé de parler distinctement et de façon compréhensible. Alors qu'à l'image, on peut encore avec un geste dire voilà, vous voyez, c'est grand comme ça. Hein. Alors qu'à la radio, on ne peut pas. On est obligé de dire, c'est grand, comme une baguette de pain, par exemple. Mais voilà. Donc oui, non, à la radio, je trouve que ça, pour l'instant, ça, c'est une autre expérience. Et ensuite, sa deuxième question, c'était, est-ce que, selon toi, ces métiers, donc les métiers de cinéma, ça mériterait une valorisation ? Alors, il le mériterait, oui. De toute façon, tous les métiers le méritent. Mais dans la mesure où, avec Léa, on en discutait tout à l'heure, on fait des métiers passion. Bien sûr. On fait des métiers dans lesquels on est passionné. Et heureusement, sinon, on ne peut rien transmettre. Enfin, moi, personnellement, si je ne suis pas passionné, je ne peux rien transmettre de passionnant aux jeunes avec qui je travaille. Et ces métiers passion, ce qui est super, c'est qu'on n'a pas l'impression de travailler, en fin de compte. Toi comme moi, on est... Enfin, voilà, quand on travaille, quand tu es derrière ton micro, tu le fais... Bon, ça se voit, t'es heureux de le faire, et ça te fait plaisir. Quoi. Et ben moi c'est pareil quand je suis avec des jeunes, quand je suis derrière une caméra, quand je tourne un film, ça me fait super plaisir. Et donc du coup, voilà, on a un métier qui est génial. À côté de ça, souvent les métiers passion, c'est pas ceux qui financièrement sont les plus intéressants. Après, il y a pire, hein, on va pas se plaindre. Quoi. Donc voilà, oui. Heureusement, la passion est là et c'est le principal. Bien sûr. Donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, d'ici bientôt. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Une bonne journée, déjà. Okay. Et oui, c'est déjà pas mal. Une bonne journée. Ok. Et si nous voulons te retrouver, suivre ce que tu fais, tout ça, comment on peut s'y prendre ? Alors, on peut aller soit sur mon site qui est dédié à l'éducation à l'image, qui est www.sejourcinema.com. Là, vous retrouverez tout ce que je fais, tout ce qu'on fait avec mes collègues dans l'éducation à l'image avec les jeunes. Sur Facebook, principalement, soit mon profil personnel, soit le profil de mon court-métrage, La Course Court-Métrage. Pour être tenu au courant, ou alors le profil de Jean-Mi sur Facebook, pareil, sur lequel vous aurez bientôt des annonces. D'accord. De toute façon, je mettrai tous les liens utiles en podcast de cette émission demain dans la journée. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je te remercie une nouvelle fois, Pierre, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Chris. Du coup, nous, on se retrouve... déjà, cette émission sera rediffusée demain, mercredi à 18h, avec le podcast de cette émission, posté demain sur notre page Facebook de la journée, du coup, avec tous les liens utiles. Si tu veux, je pourrais même t'envoyer l'émission par mail. Ah, je veux bien, s'il te plaît, oui. Oui, je t'enverrai tout ça. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gamozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique